depuis le mois d'août, l'année s'avance. On est content de revenir en France. Mais on est suffoqué dès le retour. Tout fonctionne à l'italiano, l'italiano, l'italiano. À Paris passe le pot. Cette mode qui va sano, qui va sano, qui va sano. Dure depuis Lontano. Venise et Stromboli, Florence et Napoli. Souvenir qui nous lie. C'est du délire et la France est en folie. Tout fonctionne à l'italiano, l'italiano, l'italiano. Le cantico, la gogo, signorina, per favore, chantons ensemble encore, encore. L'Italie c'est notre amour, l'Italie c'est notre amour. On a fait des mamours à l'Angleterre. On a reçu chez nous toute la terre. Mais ce sont des béguins presque toujours courts. Tandis que ce coup-là, c'est le grand amour. Tout fonctionne à l'italiano, l'italiano, l'italiano. Le jazz devient bel canto. Sofia la napolitana, politana, politana. Fait rêver le populo. Les Cadillacs s'enfuient devant les Ferrari. On oublie le whisky. Maître d'hôtel à portée du Campari. Tout fonctionne à l'italiano, l'italiano, l'italiano. Le soleil chante là-haut. L'an prochain c'est décidé. On reste ici sans hésiter. On est naturalisé. L'Italie est annexée. Tagliatelle et spaghetti. Mortadelle et marini. Carozzo et quart de brie. Loé. Bonjour, bonsoir, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Alors, on commence en force aujourd'hui, hein, un petit bloc corruption, pourquoi pas. Alors, tout fonctionne à l'italienne. Une pièce, je remercie M. Boisbriand, hein, pour Jean-Philippe Boisbriand, pour m'avoir fait découvrir cette pièce-là. Suite là, dans le Cirque Aquatique Magique spécial corruption, en hommage à la commission Charbonneau et à la juge du même nom. Et vous êtes en compagnie de François G. Couillard. toutes les sortes, ici dans la pauvreté. Et là, nous sommes ici rassemblés pour prendre position contre Charest et contre le problème de la corruption. Et pour s'en débarrasser, il y a une seule chose, et je vous demande de vous rallier tous et toutes à Mme Pauline Marois et autour de ses députés du Parti québécois. La division, ça ne donnera jamais rien. Merci beaucoup. J'entends des choux, là, je trouve ça dommage. Si vous voulez niaiser, oui, être marginaux, continuez comme ça. J'espère qu'il y en a qui sont pour Mme Marois. Merci beaucoup. Oh là là, des vieux souvenirs. Manif contre la corruption. C'était cet été dernier, devant l'Assemblée nationale. Une femme comme ça arrive. J'ai été travailleuse sociale et je vous invite à voter pour Pauline Marois. Évidemment, elle était accueillie comme il se doit avec des huées. Ceci étant dit, corruption, corruption dans la société. On a entendu, c'était Thomas Mapfumo qui chantait ça, la chanson Corruption, Corruption. Donc, un artiste du Zimbabwe, Thomas Tafirenga Mapfumo. Alors, il était connu comme le lion du Zimbabwe. Et il y avait beaucoup d'influence politique dans sa musique. Beaucoup de messages critiquaient notamment le président Robert Mugabe. Mugabe qui est au pouvoir au Zimbabwe depuis 1987. Alors, probablement un des plus anciens leaders du monde, de l'univers. Et dans la carrière de Mapfumo, il s'est mis même à... Il a participé à un groupe qui s'appelle le Alleluja Chicken Run Band. Il s'est mis à faire de plus en plus de musique politique. Il supportait la révolution qui se développait dans les endroits ruraux du Zimbabwe. Il appelait ça des terres communales. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il est devenu? Il n'est pas encore décédé, donc il doit continuer à faire de la musique. Alors, il fait des tournées à travers le monde. Alors, Thomas Mapfumo. Toujours au Cirque Aquatique Magique. Quoi d'autre? Eh bien, vous avez tous et toutes entendu parler du cas 728, l'agent 728, et évidemment, son enregistrement de sa conversation avec son patron, qui est fortement controversé. Étant donné qu'elle critique les artistes, eh bien, les artistes se sont donné le mot pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Alors, ils se sont mis à prendre ses paroles et à mettre de la chanson dessus, à mixer ça. Et donc, ils se sont fait des dizaines et des dizaines de mix sur les paroles de l'agent 728. Alors, on commence, on va écouter justement trois pièces sur la matricule 728. Et on commence avec une pièce de Laurent Agla. Oh, trouvée sur le site de Voir. Là, on va l'essayer, l'intimidation, là. On va voir si ça va passer. 7-2-8, crise de grosse vache. C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! Faut faire ça legit parce qu'on est filmé pis c'est des artistes, là. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! Des artistes, en tout cas, des mangeurs de marbre. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. Bah! Si tu continues, je vais te faire une encolure jusqu'à temps que tu tombes inconscient. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! Gratuit du temps, c'est tout des hosties de coin rouge, là. Des artistes, en tout cas, des mangeurs de marbre. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. Bah! C'est tout filmé. Bah! Là, il y a un autre hosties de coin qui a pas rapport. La poignée du nowhere qui est là, qui filme. Puis si tu continues, je vais te faire une encolure jusqu'à temps que tu tombes inconscient. En train d'étouffer, là, je me bats avec des escaliers. On se bat avec des escaliers. C'est toi et ça, 728, aussi grosse base. Des artistes, aussi de... En tout cas, des mangeurs de marbre. Gratuit du temps, c'est des hosties de coin rouge. Tout ça pour une bière, tu sais. C'est tout filmé. C'est tout filmé. 728, crise de grosse vache. 728, crise de grosse vache. 728, crise de grosse vache. 728, 728. Pour tes mains. 22 octobre dernier, une magnifique personne vivant sur la terre, une force de la nature, dans le cadre de son travail pour la SPVM de Montréal, a fait une intervention sur le plateau Mont-Royal à Montréal, dans la résidence d'un artiste. Tout de suite, je l'ai reconnu. Cette beauté, cette force de la nature, je l'avais déjà vue dans une vidéo lors d'une intervention, lors du conflit étudiant. Et tout de suite, je suis follement tombé amoureux de l'agente 728. Je suis un carré rouge, un artiste, un héros, un fou. Je suis un gratuite guide pour toi, l'agent de 728. Toi, tu es un modèle, une femme qui vise la réussite. Pour moi, le criminel, tu es inatteignable, agent de 728. Je t'aime avec ton gun, car tu as même créé un mythe autour de ta personne. Ah oui, je t'aime, agent de 728. Ton haleine de sang et de poivre de Cayenne. Je t'aime, je t'aime. Viens me serrer dans tes bras, viens m'étrangler tout contre toi, dans mon beau local subventionné par l'État. Faites une toune, c'est un hit. Demain je serai une vedette Facebook comme toi, agent de 728. Mais y a pas de fille qui brasse et puis qui rentre là où j'habite pour faire régner l'ordre et la casse. Sauf toi, agent de 728. Oui, mais je subventionné par l'État. Na, na, na, na, oui, je t'aime comme Rudy Orchetti. Je t'aime, oh oui, je t'aime Stéphanie Trudeau. Mais mon malheur, c'est que tu seras congédié. Fait toujours mal quand tu nous quittes. On a des plaies à penser quand tu pars, agent 728. Je t'aime. Oh boy, avez-vous senti l'émotion? Sérieux, avertissement, la prochaine pièce comporte des propos controversés. On dit hétéronormatif, borderline sexiste. Alors, prenez-le avec cet avertissement en tête. Et voilà. Laurent Paquin. 1, 2, 3, 4. Elle n'a vraiment rien d'une aphrodite, matricule 728. Elle possède le cerveau d'un Timbit, matricule 728. Si elle avait plus de fun dans le lit, elle t'approcherait moins les joueurs de git. Si tu la vois, t'es mieux de prendre la fuite, matricule 728. Faut avouer qu'elle n'est pas vite vite, matricule 728. À 3 plus 3, elle répond 8, matricule 728. Aussi flexible qu'une nouille pas cuite, agréable comme une conjonctivite. Ça fait 100 ans qu'elle a pas vu de bite, matricule 728. Mais dans le fond, c'est une pauvre petite, matricule 728. Un peu d'amour, je pense qu'elle le mérite, matricule 728. Peut-être avons-nous réagi trop vite, ben non, je niaise, c'est de la bullshit. Chris et moi, dans son Harogan quit, matricule 728. Ah là là là là, ça faisait du bien ça, un petit bloc pour la jante 728. Alors, on a entendu, bon, Laurent Paquin faisait sa chanson controversée qu'il a retirée d'ailleurs de, sur YouTube. Hommage à Matricule 728. On a, en passant, il a fait un vidéo dans lequel il donne ses explications. Je suis d'accord avec la seconde partie. La première partie où il dit que c'est pas sexiste, c'est pas... Moi, je trouve que les gros problèmes de cette chanson-là, c'est vraiment le problème des femmes. Parce qu'il commence sa chanson en disant « Elle n'a rien d'une aphrodite », comme si c'était grave, c'est comme si c'était un crime. Mais la section qui dit que Matricule 728 ne se sent pas intimidé par cette chanson-là, je pense qu'effectivement, 728 intimide beaucoup plus. Et ce qu'elle a fait, c'est beaucoup plus grave que ce qu'une humoriste fera jamais sur elle. Et puis, je pense que c'est exactement le rôle d'un humoriste comme Laurent Paquin d'attaquer le pouvoir puis de le tourner en dérision. Puis c'est ça que font les humoristes et les baladins depuis l'époque médiévale, depuis qu'il y a des propos politiques qui s'échangent sur la place publique. Mais ceci étant dit, donc, le problème avec la chanson quand même, mais bon. Faites-vous votre propre idée. On a aussi entendu Pico Larouche, donc un artiste de Québec ici qui habite pas très loin, qui a fait une chanson qui s'appelle « Je t'aime, agente 728 », tout simplement. Alors, il dévoile son amour comme ça pour l'agente. C'est drôle, hein? C'est tous des gratteux de git qui ont fait des chansons. Et on a entendu Laurent Agla, qui faisait une pièce nommée tout simplement « Mix 1 ». Alors, c'est une pièce qui est faite avec des propos de l'agente. Et ça donne quelque chose de magique, d'extraordinaire, de corrosif et de beau. Ceci étant dit, vous êtes toujours dans le cirque aquatique magique. Quelle est votre opinion sur 728? 728 est une personne extrêmement violente, une personne qui a attaqué vicieusement et gratuitement trois artistes en train de passer paisiblement du temps dans leur demeure. Il y a quand même des gens qui se sont portés à sa défense. Et on dirait que l'intimidatrice est devenue intimidée elle-même. Alors, elle s'est fait attaquer de toutes parts par des propos, on en a vu de tous les genres. Alors, c'est drôle. C'est comment ça vire les choses des fois. Moi, ça en révèle beaucoup sur notre société. Hein? Bon. Que dire de plus? Vous êtes accompagné de François Gécouillard. On va écouter un bloc soul funk. On commence avec un album dédié à Satan. Oui, messieurs, dames, la pièce s'intitule Half Sister, Half Brother. Dans ce dernier livre, le sort qui attend les ennemis de Dieu est décrit en termes très graphiques dans Zacharie chapitre 14, verset 12. En voici la lecture. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » D'être tanné qu'on nous considère comme des trisomiques et des malades mentaux de la radio. Et que oui, on vient d'entendre un petit bloc de musique des années 70, finalement. Soul, psychédélique. La dernière pièce, c'était Semalim de... tiré d'un album appelé Istanbul 70, Psych Disco Folk, donc la musique turque des années 70. La chanson était chantée par Erkin Koray. On a aussi entendu deux pièces d'un album qui s'appelle Transition, qui est un album thématique sur Satan. Alors, cherchez l'erreur. Les deux pièces étaient chantées par la voix splendide, formidable, sexy de Barbara Mason. La pièce s'appelait Time is Running Out et la première c'était Half Sister, Half Brother. Alors, du psychédélique turc, chanté par Erkin Koray, qui était-il? Eh bien, on dit que c'était la première personne qui a joué du rock'n'roll en Turquie en 1957. Et il jouait des covers d'Elvis Presley et de Fats Domino. Et on dit que c'est le premier musicien turc à avoir utilisé la guitare électrique et l'amplification moderne. Et il s'est fait poignardé dans les années 60 parce qu'il avait les cheveux longs. Oh que oui! Donc c'est pas juste... je vous confirme que c'est pas juste au Québec que la connerie humaine. Monsieur Corail a aussi inventé le baglama électrique. Le baglama étant un instrument traditionnel turc, là, une espèce de petite guitare. Alors c'est lui qui a pensé à la plugger dans une prise d'électricité. Bravo! Erkin Koray. Toujours au Cirque Aquatique Magique, connaissez-vous les Éthiopiques? Je me demande si j'en ai pas déjà fait jouer. De toute façon, on va quand même aller écouter un bloc tiré de l'album Le meilleur, le très meilleur des Éthiopiques. Comment on traduit ça de Very Best? Le très meilleur des Éthiopiques. Voilà. Alors, on va écouter une pièce qui s'appelle Yegele Teseta. Thank you. on se laisse se reposer. On se détend, on se détend. On se laisse aller complètement, complètement calme, de plus en plus détendu. Presque la fin de l'émission Le Cirque Aquatique Magique. Avez-vous apprécié ces belles voix et cette musique hypnotique d'Afrique? C'était les Éthiopiques qui nous offraient trois pièces. La dernière s'intitulait Gara Ser New Betesh. L'autre d'avant, Tessaleng Yetentu. Et on a entendu Yegele Teseta au début du bloc. Alors, qu'est-ce que c'est les Éthiopiques? Donc, Éthiopique, bon, c'est une série de disques compacts qui mettent en vedette des musiciens de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Et tout ça se fait sous la coupe du label Buda Music, qui est situé à Paris. Et c'est eux qui ont commencé la série en 1997. Et ça se poursuit encore aujourd'hui. Et jusque là tout va bien. Mais cette année, il y a un des musiciens éthiopiens qui s'appelle Getachew Mekouria, qui a dit que le producteur des Éthiopiques était responsable de la popularisation mondiale de la musique éthiopienne et que ça l'avait beaucoup aidé dans sa carrière, mais dans le même souffle, il disait que son producteur ne le payait pas et que le label Bouddha Music avait toutes les licences et tous les droits sur toute la musique. Alors, la vie de musicien, ici comme ailleurs. Et c'est François Gécouillard qui vous dit adieu, à la semaine prochaine. Pour écouter cette émission ainsi que toutes les autres, jeunefou.blogspot.com. Restez à l'écoute, ça va être l'émission Le Coconut Show et vous allez rire. Oh! Dying.